Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un camping espagnol frappé par l'horreur au milieu de l'été 1978. Le 11 juillet de cette année-là, un camion-citerne transportant plus de 20 tonnes de propylène, une substance très inflammable, explose sur une route nationale qui borde un terrain de camping de la Costa del Azahar. Situé près de Tarragone, entre Barcelone et Valence, le camping de Los Alfaques accueille plus de 800 touristes venus de toute l'Europe, français, belges, allemands, néerlandais. C'est vers 14h30, à l'heure de la sieste, pour beaucoup, que le camion passe à la hauteur du camping. Sous la chaleur et la pression, la citerne cède, explose et le propylène se répand au cœur du camping. Le bilan est extrêmement lourd, 215 morts et pour les survivants, la panique et l'horreur. Des centaines de campeurs sont grièvement brûlés, certains devenus des torches humaines n'ont d'autre choix que de se jeter dans la mer. Cette catastrophe émeut toute l'Europe, bien sûr, mais l'émotion laisse très vite la place à la polémique et à l'indignation, et il y a de quoi. Notre invité aujourd'hui, Bruno Albin, journaliste qui à l'époque était correspondant en Espagne pour Antenne 2, c'est l'un des premiers reporters étrangers à s'être rendu sur le lieu de cette catastrophe. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Moi, les vacances, c'est le camping. Ce qu'il me faut, c'est la nature. J'ai trouvé un coin très bien, entre des Écossais de Glasgow et une famille de bois-colombes. Allée numéro 12, la 37e tente sur la gauche, une petite bleue, juste après les deux grandes jaunes. Et puis tout est organisé, puis drôlement bien. Hein. Oh, puis tu comprends, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu t'organises comme tu veux, tu es complètement indépendante, quoi. Tout comme chez soi, mieux que chez soi même. Après la sieste, tous à la plage. Alors là, tu ne peux pas t'imaginer. Un sable fin, fin, fin. Moi, j'avais trouvé un petit coin de rocher, tout au bout de la plage. Formidable. Oh, il faut que je te raconte. J'ai fait la connaissance d'un garçon très bien. On a parlé espagnol pendant 5 minutes avant de s'apercevoir qu'on était français tous les deux. Comme Angèle, qui raconte ses vacances pour les actualités françaises le 30 septembre 1964, des millions de Français se rendent en été en Espagne et... Depuis le début des années 60, ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Au programme, oh c'est simple, la plage, la sieste, l'apéro. Et puis l'Espagne avec les pesetas, c'est bon marché. De la frontière française jusqu'à Marbella, la côte espagnole est prise d'assaut par des touristes venus de toute l'Europe. Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca, Costa del Sol, tout le littoral est bordé de stations balnéaires et de campings. En ce mois de juillet 78, celui de Los Alfaques, près de Tarragone, affiche complet, comme tous ses concurrents. Avec 250 emplacements, il est occupé par près de 800 vacanciers, serrés tente contre tente, caravane contre caravane. Niché entre la mer et la route nationale 340, le camping est un puits, petit havre de paix. On y vient et revient chaque année en famille. D'été en été, on noue des amitiés et on forge ses petites habitudes. Comme dit Angèle dans le reportage, c'est comme à la maison, en mieux. Ce 11 juillet, on s'active pour les préparatifs du 14. Oui, il y a tellement de Français que le propriétaire du camping a organisé un bal pour la fête nationale. Chez les ados, c'est le temps des premiers émois amoureux, alors on attend cette soirée avec impatience. À bord de son camion, Francisco Hibernon Villena, 51 ans, n'a pas la tête à la fête. Ce jour-là, ce chauffeur doit livrer avec son camion-citerne une vingtaine de tonnes de propylène, un hydrocarbure hautement inflammable, servant notamment à la fabrication du plastique. Après 12 ans à convoyer du poisson entre Murcia et Madrid, il a réussi à devenir propriétaire de son véhicule et travaille depuis quelques mois pour les Cisternas Reunidas de Tarragone. Vers 13h, il s'engage sur la Nationale 340. L'autoroute, c'est trop cher. Mais arrivé à hauteur du camping, la citerne explose. Le drame s'est produit vers 15h en Espagne, au camping de Los Alfaques, à Alcázar, dans le sud de la province de Tarragone, à mi-chemin entre Valence et Barcelone. Un camion-citerne chargé de propylène, un gaz particulièrement dangereux, a explosé sur la route bordant le camping. Il y aurait au moins, je vous l'ai dit, 180 morts et 200 grands brûlés, pour la plupart des touristes français, belges et allemands qui passaient leurs vacances donc à ce camping d'Alcázar. 14h36, pour être précis. C'est à cette heure que la montre du chauffeur, tué sur le coup évidemment, s'est arrêtée. 14h36, c'est aussi l'heure où Los Alfaques est devenu un enfer. À ce moment précis de la journée, la plupart des vacanciers font la sieste. D'autres finissent tranquillement de manger à l'heure espagnole. Les gens jouent dans les allées du camping comme les enfants. Et les plus téméraires font bronzette sur la plage. Le soleil est brûlant. Mais ce n'est rien face à la vague de chaleur qui s'abat sur le centre du camping. En se renversant, la citerne a explosé et un morceau de la cuve est devenu pulvérisé, une discothèque vite, heureusement, à cette heure de la journée. Les débris des camions sont projetés dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. L'explosion crée un immense mouvement de panique chez les campeurs. Des témoins racontent l'enfer au JT d'Antenne 2. Donc il y a eu la langue de feu sur la route, la grosse explosion, plus la deuxième explosion où mon beau-père a été brûlé, qui est venu ici comme une flamme. J'ai entendu un gros bruit, j'étais en train de manger, je me suis levée. J'ai vu un truc en l'air comme ça, je crois que c'était une caravane qui sautait. Le temps qu'on court, ça nous est tombé sur la voiture, la voiture a pris feu. On a couru, j'ai réalisé que j'avais ma petite ounne qui dormait dans la caravane qui a 3 ans. Mon mari est revenu sur ses pas pendant la petite, juste, et puis tout a flambé, on a couru tous à la plage. On croyait que c'était la fin du monde, monsieur. Ça s'est arrivé comme une explosion, comme des bombes, on ne sait pas quoi. Ça commençait les gens à crier. Tout le monde était perdu, tout. C'était terrible. L'explosion est tellement violente que des corps sont projetés dans la mer. De nombreux campeurs meurent sur le coup, carbonisés, figés dans leur sommeil ou dans leur dernière attitude, la panique peut-être, pour ceux qui ont eu le temps de comprendre. On comparera plus tard les cadavres de Los Alfaques à ceux retrouvés à Pompéi. Et tout va très vite. La première explosion entraîne une réaction en chaîne. Les bouteilles de gaz, butane, des réchauds, outils indispensables des campeurs explosent, les unes après les autres. Et c'est au tour des voitures de s'enflammer, puis d'exploser. Les toiles de tente se transforment en torches. Les campeurs fuient dans la précipitation avec un seul but, se jeter dans la mer. Car certains vacanciers se sont transformés en torches humaines. Une femme en flammes se dirige vers les douches pour essayer d'éteindre l'incendie qui lui ravage le corps. Elle s'écroule au moment même où elle tourne robinet d'eau. D'autres poursuivent leur calvaire vers la plage. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas crier, alors ils marchent comme des automates, le corps en flammes ou calciné. Un survivant erre à la recherche de ses enfants. Il traîne avec lui une chaise en plastique collée à son corps par la chaleur. Les baigneurs non plus ne sont pas épargnés. Seuls ceux qui ont plongé dans l'eau en voyant la boule de feu s'en sortent. Car c'est bien plus qu'une explosion suivie d'un incendie qui s'est déroulé à Los Alfaques. Certains l'ont comparé à un bombardement napalm ou à une explosion atomique. Phénomène provoqué par le propylène, l'hydrocarbure transporté dans la citerne. Explication sur ce point du journaliste Michel Chevalet sur TF1. Le propylène qui était répandu sur le sol, qui se met à bouillir, donne, bien entendu, un très gros volume de gaz. Les 20 tonnes donnent 10 000 mètres cubes de propylène qui s'enflamme et forme une boule de gaz incandescence qui monte un peu comme les champignons atomiques à 20-30 mètres du sol et procure un rayonnement infrarouge très intense. Et c'est ce rayonnement infrarouge, espèce de nuée ardente analogue à celle des volcans, mais là il n'y a pas de poussière, qui en somme provoque les brûlures et ce, en l'espace de quelques secondes. Pendant 3 à 4 secondes, la température monte à 2000 degrés. La vague de chaleur pénètre partout dans le camping, même dans les constructions en dur. Ce n'est donc pas l'incendie à proprement parler qui a fait le plus de victimes, comme l'explique ce pompier espagnol au journaliste d'Antenne 2. Pratiquement, on peut dire qu'il n'y a pas eu véritablement incendie. C'était dantesque de voir tous ces morts étendus sur le sol. Ils étaient figés dans l'attitude même où les avait surpris la panique. Et il y avait des cadavres qui n'avaient même pas été atteints par les flammes. Ils avaient été tués par la simple propagation de la chaleur. Les pompiers espagnols, précisément, se retrouvent immédiatement au cœur de la polémique. Ils sont arrivés beaucoup trop tard, presque 2 heures après la première explosion. Pendant ce laps de temps, les campeurs sont livrés eux-mêmes. Certains tentent d'éteindre l'incendie avec des bassines d'eau, d'autres partent à la recherche des survivants. Les 3/4 du terrain de camping sont totalement dévastés par l'explosion et les incendies qui ont suivi. Avec les voitures qui n'ont pas été touchées par les flammes, on organise des allers-retours avec les hôpitaux les plus proches. Les riverains espagnols viennent en aide et proposent eux aussi leurs véhicules. Des campeurs dégagent un passage pour faire passer les voitures. Un homme se met à faire la circulation. Dans un paysage d'apocalypse, on s'organise solidaire face à l'horreur et on s'impatiente. Mais quand les secours vont-ils arriver? Deux Français racontent au micro de France Inter. L'équipe tout brûlé en flammes, ils partaient sur la route en sang, ils partaient en courant sur la route, là, ils étaient en flammes, ils se jetaient à l'eau, il n'y a personne qui les rattrapait, qui pouvait les amener dans les ambulances, rien, il n'y avait personne. Les pompiers sont arrivés, ils étaient, même les Espagnols, ils leur criaient des choses, alors, seulement qu'ils sont venus tard, les pompiers. Ils sont arrivés quand tout était terminé, tout le monde était affolé, on voyait les gens brûler sur la plage, pour le moment, il n'y avait personne, c'est nous qui avons organisé tout. Tous les gens du camping. Il y avait des médecins tout de même qui ont pu arriver ou non? Ah non, il n'y avait personne. Ah non, non, non. Non, quand on a évacué tout le monde, il n'y avait pas ni médecin ni rien du tout. Et comment les avez-vous évacués? Avec vos voitures? Des Français, des Espagnols qui sont venus aussi avec des camionnettes, qui les ont au moins secourus, qui les ont ramenés de la plage, qui se sont jetés dans l'eau. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu les pompiers qui soient venus. Le lendemain, la catastrophe fait la une de toute la presse européenne. On parle d'une centaine de morts et de plusieurs centaines de blessés gravement brûlés. Un bilan provisoire. Face à cette vision d'horreur véhiculée par la télé, de nombreux téléspectateurs appellent pour proposer leur sang et leur peau pour les grands brûlés. À Paris, Simone Veil, ministre de la Santé, prend la parole devant la presse. Nous sommes en liaison avec les autorités espagnoles, avec notre ambassade, et nous faisons tout pour à la fois aider tous les blessés, quelle que soit leur nationalité, en coopération avec les autorités espagnoles. Nous avons recensé tous les lits disponibles de grands brûlés qui sont susceptibles d'accueillir des blessés à n'importe quel moment, et en même temps, tous les SAMU sont alertés pour pouvoir éventuellement aussi aider à l'accueil de ces brûlés. France, Allemagne, Belgique, tous ces pays proposent leur aide à l'Espagne et s'organisent pour accueillir leurs ressortissants blessés. Mais pour les autorités, il est difficile d'informer. Après tout, qui fait partie des victimes? Qui est hospitalisé et où? À la recherche de leurs proches, de nombreuses familles venues de toute l'Europe se rendent au camping de Los Alfaques. Sur le comptoir de ce qui était le bar, d'immenses tableaux verts ont été dressés. On peut y consulter la liste des blessés et l'hôpital où ils ont été accueillis. Quand on ne trouve pas le nom d'un proche, on consulte une nouvelle fois cette liste, avec fébrilité, on imagine. Un couple décide de fouiller désespérément dans un tas de cendres qui, il y a 2 jours, était encore une caravane. Sur la plage, ce sont des plongeurs professionnels qui partent à la recherche des corps. Les familles se rendent ensuite dans les hôpitaux, à Barcelone, à Valence. Arrive à la morgue, une jeune femme de Saint-Germain-en-Laye croit reconnaître le corps de son mari et déclare le décès. Le lendemain, elle apprend presque par hasard que son époux est en fait soigné à l'hôpital de Montpellier. Car c'est bien l'un des aspects de cette tragédie. Les corps des victimes sont souvent méconnaissables. Et les autorités espagnoles n'ont pas facilité l'identification. Après la catastrophe, ils ont bouclé le terrain de camping et enlevé tous les corps des victimes contre l'avis des rescapés. Reste alors des dépouilles complètement carbonisées, offrant peu ou pas d'éléments distinctifs. Alors on cherche un bracelet, une médaille, une montre. Dans la ville de Tortosa, à quelques kilomètres du camping, on a rassemblé une centaine de cercueils dans le cimetière. Ils sont alignés dans une allée bordée de cyprès, sous une chaleur étouffante, 40 degrés. Au pied de chaque cercueil, pas de nom, mais un chiffre écrit sur un papier et une fiche indiquant la corpulence, la taille, le sexe, quand le corps n'a pas été complètement calciné. Le 13 juillet, une chapelle est dressée, une messe en hommage aux victimes est organisée. Des familles sont venues de France, d'Allemagne, de Hollande, de Belgique et même d'Australie. À l'aéroport de Tarragone, des orphelins sont rapatriés de leur pays d'origine. Leurs parents sont morts, mais ils n'ont pas encore réalisé le drame qui vient de les toucher. Olivier Stirn, secrétaire d'État français aux affaires étrangères, perçoit bien la tragédie en arrivant sur place et il confie même « c'est encore pire que ce que je ne pensais ». Et il explique au micro de France Inter le problème justement de l'identification des corps. C'est très difficile, vous l'avez vu comme moi, pour les morts, n'est-ce pas ? Ils sont tellement défigurés, tellement méconnaissables. Et en plus, comme ils étaient en maillot de bain, ils n'ont pas d'habits, n'est-ce pas, qui permettent quelquefois de les identifier. Et donc, c'est très difficile. Tout a été fait pour que on connaisse leur poids, qu'on essaie de voir leur apparence physique, et des photos ont été prises, etc. Mais il est certain qu'il y aura des doutes sur l'identité des corps eux-mêmes. Et je crois que là, c'est une impossibilité matérielle. Pour tenter de redonner un nom à ces dizaines de cadavres, des médecins légistes français et des fonctionnaires de l'identité judiciaire sont envoyés sur place. Olivier Stirn, lui, discute avec les rescapés. Ont-ils des demandes spécifiques ? Il écoute un homme lui raconter qu'il a perdu toute sa famille dans la catastrophe. À cette peine s'ajoutent pour les proches des victimes toutes les formalités administratives. Les sommes demandées pour le rapatriement des corps sont conséquentes. Un homme qui a perdu 10 membres de sa famille, dont sa fille de 6 ans, est dans l'impossibilité de payer. Finalement, c'est la France qui réglera tous les frais de rapatriement. Le 13 juillet, le bilan provisoire fait état de 126 morts et 120 blessés, parmi lesquels de nombreux Français, Allemands, Belges. Et pour les grands brûlés, c'est le début d'un calvaire. Selon les médecins, peu d'entre eux ont une chance de s'en sortir. À cela va s'ajouter une polémique entre l'Espagne et les autres pays européens. Qui va s'occuper des blessés ? Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke. Keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die together, raise a glass of watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. So I see fire, blood in the breeze, and I hope that you remember me. Quelques heures après la catastrophe, tous les blessés ont été transportés dans des hôpitaux des grandes villes les plus proches. Les Espagnols prétendent détenir tous les moyens pour accueillir la centaine de grands brûlés. Mais les autres pays européens sont sceptiques. On leur propose un hôpital de campagne de 200 lits. Et là, c'est l'incident diplomatique. Froissés, les Espagnols imposent des conditions draconiennes pour le rapatriement des blessés dans leur pays d'origine. Envoyé sur place, à l'hôpital Francisco Franco de Barcelone, un médecin français de mondiale assistance se veut pourtant rassurant. Les grands brûlés sont bien pris en charge. Il en témoigne au micro de France Inter. Nous avons été tout à fait agréablement surpris par la qualité des soins donnés dans les hôpitaux espagnols et à l'extérieur des hôpitaux espagnols, de la première phase d'évacuation des blessés jusqu'à la phase terminale qui consiste dans leur hospitalisation dans un centre spécialisé. Il a été fait un gros effort au niveau médical et paramédical pour augmenter les capacités d'admission des malades, pour augmenter le nombre de médecins de garde et les possibilités de traitement urgent de ces malades, qui ont tous été parfaitement conditionnés, mais qui malheureusement ont un pronostic vital très grave, compte tenu du fait que environ 85 et 90% de ces malades sont brûlés de façon très importante, voire à 100%, et ont un pronostic vital quasiment nul. Comme quoi, ce n'est pas la qualité des hôpitaux espagnols qui est en cause, mais la gravité des blessures. Le 12 juillet, un porte-parole du corps médical de l'hôpital de Barcelone annonce que sur les 45 blessés recueillis, seuls deux peuvent être sauvés. Pour la plupart, ils sont intransportables. Ils vont mourir en Espagne. Jean-Claude Sourd, l'un des médecins du SAMU envoyé sur place avec l'équipe d'Europe Assistance, prévient les journalistes qui l'accompagnent. Ça va être un peu comme la guerre. Et il ajoute, nous devons faire un choix. Seuls sont transportables les brûlés atteints à moins de 70% au-delà. Ils ne supporteraient pas le voyage et de toute façon, ils sont pour la plupart condamnés. Devant les caméras de TF1, le professeur Raymond Villain explique comment on soigne les grands brûlés tout de même. Les brûlés ont besoin d'une équipe, c'est-à-dire d'un chirurgien plastique et de réanimateurs anesthésistes qui remplacent les liquides perdus au cours de la brûlure et qui s'efforcent d'enlever les zones brûlées pour refaire une nouvelle peau, soit provisoirement avec des homogreffes, c'est-à-dire des greffes prises sur des cadavres ou sur des porcs, mais assez rapidement avec leur peau à eux. Et vous comprenez très bien que c'est pour cela qu'il faut qu'ils ne soient pas trop brûlés, parce qu'il faut trouver de la peau pour leur remettre, pour leur boucher leurs trous à eux. Et quelles sont les brûlures les plus graves ? Exactement celles qui se sont produites en Espagne. Ce sont les brûlures de guerre, ce sont les brûlures des aviateurs bloqués dans leur avion, ce sont les brûlures des automobilistes bloqués dans leur voiture qui flambe, c'est la brûlure par flamme. Où les vêtements brûlent, c'est la pire de toutes. La brûlure, là où les vêtements brûlent, oui. Mais au camping de Los Alfaques, la plupart des victimes étaient en maillot de bain. Pour les cas les plus graves, ils sont ainsi brûlés sur tout le corps à 95 voire 100%. Et ce sont des brûlures au troisième degré, le stade le plus grave. Pour beaucoup, ce n'est plus qu'une question de jours avant de mourir. Ils sont dans un état d'angoisse permanent, malgré les médicaments pour les apaiser. Sont-ils encore conscients ? Le professeur Maurice Carra, le patron des SAMU de Paris, explique au micro de France Inter que dans tous les cas, le rapatriement des blessés est la meilleure solution. Quelques brûlés qui pourront survivre auront besoin de traitements longs et psychologiquement, ce sera plus agréable pour eux d'être soignés auprès de leur famille plutôt que d'être à 1000 km et plus de leur domicile. Et puis ensuite, même pour ceux qui ont peu de chances de survivre, eh bien, ils sont quand même conscients et il est important pour un homme ou une femme de pouvoir exprimer ses dernières volontés, voir ses proches. Quand on vous retranche de la vie comme ça brutalement, on a encore beaucoup de choses à dire, ça se comprend. Et c'est pour cela que si les gens le désirent, il est normal de faire droit à cette demande humaine. Finalement, Olivier Stirn prend la décision de rapatrier tous les blessés français conscients, quel que soit leur état. et les relations diplomatiques reviennent à la normale. Le président français Valéry Giscard d'Estaing et le roi d'Espagne, Juan Carlos, échangent des télégrammes. Le roi présente ses condoléances au peuple français et le président français remercie les autorités espagnoles pour la façon dont les victimes ont été secourues. En signe de deuil, la réception du 14 juillet à l'ambassade de France à Madrid est annulée. Quelques jours après la catastrophe, les riverains espagnols du camping de Los Alfaques manifestent à l'appel de certains partis politiques. Une heure par jour, ils bloquent la circulation de la Nationale 340. Sur les pancartes, on peut lire « Nous ne voulons plus de morts innocents ». En première réponse, le gouverneur civil de la région interdit la circulation des camions-citernes sur les nationales de cette province. Les transporteurs devront emprunter l'autoroute. On commence également des travaux pour dévier la route nationale. Quant au gouvernement espagnol, il présente ses condoléances à toutes les familles des victimes et mandate une commission spéciale chargée d'enquêter sur les causes de la catastrophe. Dès les premiers jours d'investigation, des éléments fuitent dans la presse locale. L'industriel qui a fabriqué la citerne du camion avait été inspecté quelques semaines avant l'accident. La production avait été stoppée car les soudures intérieures n'étaient pas assez solides et la révision du matériel en circulation n'avait pas été ordonnée. Juste après la catastrophe, le chef d'entreprise dépose le bilan. Curieux hasard, il ne sera pas jugé. Autre élément, les camions transportant des matières dangereuses ont l'habitude d'emprunter cette route nationale pour économiser le prix du péage d'autoroute, on l'a dit. Résultat, 4000 tonnes de produits dangereux et inflammables transitent chaque jour sur cette voie. En 76, un camion transportant du propane se renverse. En 77, soit un an avant la catastrophe de Los Alfaques, une collision se produit entre une voiture et un camion chargé, lui, d'acide chlorhydrique. À peine plus d'un mois après le drame, chose inimaginable, 200 touristes s'installent pour passer des vacances dans la partie épargnée du camping. Et parmi eux, encore plus inimaginable, l'un des survivants de la catastrophe. L'année suivante, le camping de Los Alfaques est de nouveau complet. Tout a été nettoyé, des arbres ont été plantés et presque toutes les traces de la catastrophe ont été effacées. Cette rescapée revenue à l'été 79 explique vouloir conjurer le sort. Alors ma sœur est décédée, mon beau-frère, un fils de 15 ans. Vous êtes la seule personne ayant perdu des membres de sa famille qui est revenue. Oui, il y a aussi une jeune Allemande qui a perdu ses sœurs l'année dernière qui est revenue cette année. Nous sommes revenus cette année parce que, tout d'abord je dois dire qu'on a beaucoup hésité, hein, plus s'approcher, moins on avait envie de venir. Quand on est arrivé à la frontière, on est même reparti. Et puis nous nous sommes arrêtés, mon mari et moi. Et puis on a pris la décision de revenir cette année parce qu'après ça serait terminé. Vous reviendrez à Los Alfaques dans les années futures ? Oui, nous reviendrons. Des souvenirs de cette survivante de la catastrophe ne trouve plus les mots ensuite pour exprimer l'enfer qui s'est abattu sur le camping de Los Alfaques l'été précédent. Pour rendre hommage aux victimes, un mur a été construit avec 215 petites étoiles de cuivre. 215 étoiles pour 215 victimes. Car un an après, la grande majorité des blessés n'ont pas survécu à leur brûlure. Du côté de l'enquête, le juge chargé de l'affaire a ciblé trois responsables. Tout d'abord le chauffeur, mais il est mort dans l'accident. Ensuite le propriétaire de la citerne, et puis la société qui l'a remplie de propylène. Au total, ils sont six responsables, six personnes suivies. Du côté des proches des victimes, une association est créée pour faciliter toutes les démarches juridiques et administratives. Il faut notamment que les avocats des familles proposent un montant d'indemnisation pour le préjudice subi. Le juge doit, de son côté, recenser l'état médical de tous les blessés. Une seule certitude, ce sont les assurances qui vont payer toutes les indemnisations, que ce soit à l'amiable ou suite à un procès synonyme de longue tractation pour évaluer le prix d'un mort. Le 18 janvier 82, le procès de la catastrophe de Los Alfaques s'ouvre à Tarragone. Après trois ans de procédure, les enquêteurs ont constitué un gigantesque dossier. 200 kilos d'expertise et de témoignages, notamment les horribles récits des rescapés. La question de l'indemnisation des victimes a été réglée à l'amiable avant le procès. Un chèque global équivalent à 10 millions d'euros a été versé pour les différents préjudices. Ce jour-là, à Tarragone, c'est l'ouverture des débats. Il s'agit donc de juger les responsables et de comprendre comment le drame s'est déroulé, surtout s'il aurait pu être évité. Pendant les 8 jours d'audience, les 6 hommes qui comparaissent sont 2 employés de la compagnie pétrolière qui a chargé le propylène et 4 responsables de la compagnie propriétaire des camions-citernes. À l'écoute des 7 experts qui se succèdent à la barre, le scénario se dessine. Premier élément, la fragilité de la citerne elle-même, dont les soudures n'étaient pas assez résistantes. Ensuite, on évoque la surcharge de l'équipement. Alors que la citerne ne pouvait contenir que 19 tonnes, le chauffeur et les employés de la compagnie pétrolière en ont mis 23. Qu'allait-il faire de ces 4 tonnes supplémentaires? Le flou demeure entre petite magouille et amateurisme. Car de surcroît, la citerne ne disposait pas de soupape de sécurité et l'enquête a déterminé que la pression était de 60 kg au centimètre carré au lieu des 30 autorisés, donc le double. Et le camion ne disposait même pas d'outils de mesure pour vérifier cette pression. À cela, il faut ajouter le soleil brûlant de juillet. Voilà, c'est cette accumulation de négligence et cette envie d'économiser quelques pesetas qui a conduit à cette catastrophe. Ce camion, véritable bombe roulante, n'aurait pas dû emprunter la route nationale. Mais à l'époque, la loi ne l'interdisait pas. Le chauffeur a donc opté, sûrement sous la pression de son employeur, pour la mauvaise solution, un choix dramatique. Le 29 janvier 1982, le tribunal de Tarragone rend son verdict. Compte rendu d'audience sur France Inter, Georges Tourlet. Selon la justice espagnole, personne n'est vraiment responsable de ce qui s'est passé ce 11 juillet 78. Un an de prison avec sursis pour, écoutez bien, imprudence temporaire aux 2 responsables de l'entreprise qui avaient délivré sans aucun contrôle le gaz et l'absolution totale pour les 4 autres accusés. C'est en effet la surprenante sentence du tribunal de Tarragone. Tout le monde avait pourtant promis un jugement exemplaire à tel point qu'aujourd'hui, on peut se demander s'il y a eu vraiment procès. Bref, et on s'en est rendu compte tout le long du procès, les absents ont toujours tort, c'est bien connu, et si responsable il y a eu ce jour-là, c'était le chauffeur, dans l'impossibilité de se défendre aujourd'hui, puisque complètement désintégré lui aussi par l'explosion. Décidément, cette justice n'en finit pas de surprendre, des peines ridicules pour une tragédie qui aura quand même fait 215 morts, alors qu'un journaliste, par exemple, vient de se voir condamné à 7 ans de prison pour avoir révélé l'identité de commandos terroristes d'extrême droite. De nombreux Français n'ont pas oublié la catastrophe de Los Alfaques. Certains se souviennent de la couverture de Paris Match du 28 juillet 1978. Le magazine titrait « Le camping de l'horreur » et avait fait le choix de montrer des photos de cadavres calcinés. Ce choix était motivé ainsi. Ces documents qui font peur, nous voulons qu'ils soient matière à réflexion pour tous et, en premier lieu, pour nos propres législateurs. Il ne faut pas que notre société industrielle, faute d'être maîtrisée, puisse faire de nous des victimes. Après le drame, les soupapes de sécurité ont été rendues obligatoires sur les camions-citernes. Les zones densément peuplées ont été interdites à la circulation pour le transport de matières dangereuses. Et la coordination des services d'urgence a été améliorée. Pour faire respecter ces mesures de sécurité qui ne sont parfois que du bon sens, il aura fallu la mort de 215 vacanciers innocents. Por favor, sufriendo malnutrición, me está. affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la tragédie du camping de Los Alfaques. Notre invité, Bruno Albin, bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Journaliste, à l'époque, vous étiez correspondant en Espagne pour Antenne 2. Vous êtes l'un des premiers journalistes étrangers à être arrivé sur le lieu de la catastrophe. Bah, déjà, je voudrais que vous nous confiez vos souvenirs, en tout cas le souvenir de ce que vous avez découvert au moment où vous êtes arrivé dans le camping. J'ai découvert tout ce que vous venez de décrire. En vous écoutant, j'ai revu tout ce que j'ai découvert. C'était la fin de l'après-midi. Le hasard a voulu que ce jour-là, je sois en reportage du côté de Valence et nous avons entendu à la radio que cette terrible explosion s'était produite. Nous sommes allés aussi vite que possible vers Tarragone et il n'y a pas eu besoin de chercher les panneaux signalisateurs pour retrouver l'endroit. C'était absolument indescriptible entre les gens qui avaient quitté le camping parce qu'ils ne pouvaient pas y rester, même 2 heures ou 3 heures après l'événement. Ceux qui étaient venus pour tenter d'aider, dont vous avez décrit la mobilisation, la mobilisation des Espagnols qui sont venus pour aider à transporter les blessés dans des conditions parfois complètement invraisemblables. Ce que je voudrais vous dire, c'est que en écoutant les 30 et quelques minutes de l'émission que vous venez de nous faire passer, je retrouve physiquement l'impression que j'ai eue en arrivant sur place. C'est quelque chose de tellement saisissant que je crois que quiconque arrive sur un lieu frappé de la sorte ne peut qu'éprouver un sentiment d'écrasement. On ne sait plus, et pourtant nous sommes entraînés à regarder autour de nous, nous sommes entraînés à essayer de comprendre, nous sommes entraînés à essayer d'interroger, nous sommes entraînés à essayer de mettre les faits les uns à côté des autres et d'en déduire une information qui se tienne. Mais quand on arrive dans un endroit, vous avez décrit une situation de guerre, ou je ne sais plus si c'est l'un de nos confrères qui à l'époque, vous l'avez cité tout à l'heure, a parlé de situation de guerre. Et de blessures de guerre. C'est exactement cela. Alors Benoît Albin, ce qu'on va faire, on va continuer, pardon de vous couper, mais je voudrais vous faire écouter à nos auditeurs un autre témoignage, et bien sûr nous reparlerons ensemble juste après ce témoignage, qui dure à peu près 3 minutes, c'est celui de Pierre Torregrossa. Il était l'un des vacanciers du camping de Los Alfaques le jour du drame. Il vit aujourd'hui à Toulon, et c'est intéressant d'aller recueillir le souvenir d'un des vacanciers, et puis de recueillir votre souvenir, son deux souvenirs en parallèle qui se rapportent au même événement, au même drame. Il témoigne, Pierre Torregrossa, au micro de notre reporter Annaëlle Verzo. Le 11 juillet 1978, Pierre, vous aviez 17 ans. Oui. Et vous étiez en vacances. Oui, donc tous les mois de juillet, nous passions nos vacances avec toute la famille. Hein. Donc il y avait les sœurs de mon père. Mon père avait 3 sœurs, donc on était en famille. Dans cet endroit qu'un de mes oncles avait découvert. Le camping de Los Alfaques. Oui. En fait, le 11 juillet, il était dans 14h30, quand la première explosion a eu lieu. Donc nous, mon cousin, mon frère et moi, à 14h30, on ne souhaitait plus rester à table, puisque c'était des repas qui étaient, on va dire, interminables. Donc nous sommes dirigés vers l'entrée, où il y a l'accueil, le restaurant, le bar et la terrasse, pour rejoindre les autres copains. C'est là que nous avons entendu une explosion très forte. Toutes les vitres du bar, du restaurant et des appartements au-dessus des propriétaires se sont brisées et sont tombées sur le sol. Moi, j'ai aperçu de la mousse blanche qui s'est éparpillée un peu de partout. Et là, j'ai vu des lance-flammes dans tous les sens. Et à ce moment-là, on a tous fait demi-tour et là, nous avons pris la fuite. Et vous avez couru vers quel endroit ? La direction opposée, c'est-à-dire que nous avons longé la plage. Quand on a vu les flammes et les gens qui se dirigeaient vers nous totalement brûlés, donc bien sûr, toute la famille est arrivée en courant. Et vous avez été brûlé, vous, ou pas ? Pas du tout, non, du tout. On était à 80 mètres de l'endroit où ça a explosé. Là, on se demandait bien comment on a pu s'en sortir, quoi, avec tout ce qu'on a vu et entendu. Ça a été très rapide, c'était extrêmement rapide. Quand nous sommes revenus sur place, voilà, c'était tout... c'était tout brûlé, il n'y avait plus rien. Il ne restait que des carcasses de voitures, des armatures de tentes et de caravanes. Et toute une... il y avait quatre rangées alignées de corps recouverts. On a pratiquement perdu plus de la moitié de nos copains et copines. On a eu une veine incroyable, quoi. Parce que le camion, à 10 secondes, 15 secondes plus tôt, c'était fini pour nous, hein, oui. Est-ce que vous êtes revenu par la suite sur le camping ? Oui, bien sûr, oui. Le directeur du camping, donc Mario, nous avait dit en pleurant, hein, je vous en prie, revenez. Voilà, ne me laissez pas sans votre compagnie les années prochaines. Moi, j'y suis retourné bien plus longtemps après. Et une fois, on se retrouve devant le mémorial, juste comme ça, et on repart. En hommage à tous ceux qu'on a connus qui sont restés. Il y avait un campeur qui est parti balader son chien. Il était pas vieux, quoi. Il était jeune. Il devait avoir 30-35 ans. Il est allé promener son chien, dans la campagne qui est derrière la route. Et quand il est revenu, il avait tout perdu. Sa femme, son enfant, tout. Il est resté qu'avec le maillot de bain et son chien. Là, je pense que, je sais pas s'il peut se relever un jour. Mais, nous, on n'a vraiment pas à se plaindre de, on a vraiment une chance incroyable. Bruno Albin, quel est l'écho de ce témoignage sur vos propres souvenirs ? Écoutez, c'est exactement cela. Moi, j'ai des images, j'ai quelques images. J'ai la vision du terrain sur lequel se trouvaient les tentes, par exemple. Une tente, après le feu, il reste des piquets. Il y avait des arbres qui étaient plantés. Ces arbres, c'était des squelettes d'arbres. Il y avait des arbustes. Et ben, il n'en restait absolument rien. Il y avait une odeur que vous imaginez abominable. Nous avons marché à travers le camping pour faire la partie de notre travail qui, dans ces circonstances, est particulièrement abominable. C'est-à-dire que nous travaillions à l'époque pour une chaîne de télévision, et une chaîne de télévision montre des images. Et on était confronté à tellement d'horreurs qu'on ne savait plus ce qu'on pouvait filmer ou pas filmer. Je me souviens d'une rencontre tout à fait incroyable. Plusieurs heures après, nous devions envoyer notre reportage par avion, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de camion pour transmettre par satellite. Nous étions en train de d'écrire le commentaire, et mon caméraman, Patrick Derrien, est venu me retrouver en me disant « Viens, il faut absolument que tu viennes ». Je l'ai suivi, et il m'a conduit auprès d'un homme qui était là. C'était un monsieur belge, je m'en souviens parfaitement bien. Et il était en train, avec une petite éponge, de nettoyer le canoë pneumatique de sa fille. Et il allait replier le canoë pneumatique, et on a parfaitement compris qu'il repliait le canoë pneumatique, qu'il repartirait avec, mais qu'il repartirait avec seul. Et donc ça, ce sont des choses épouvantables. Par exemple, la nuit... nous sommes allés à l'aéroport de Tarragone, où atterrissaient déjà des avions qui étaient des avions équipés de matériel sanitaire. Et puis, ces avions, en repartant notamment vers Paris, allaient emporter nos films. Et en revenant vers le camping, nous avons emprunté l'autoroute, et à la sortie de l'autoroute qui permettait de rejoindre la route nationale, la terrible route nationale, il y avait une guérite d'autoroute avec une préposée qui était là pour encaisser le péage, qui n'encaissait plus rien et qui était en larmes parce que depuis des heures, elle voyait arriver voiture derrière voiture des personnes qui venaient savoir si dans ce camping, ceux qui étaient partis étaient définitivement parti pour eux. Quoi. C'était quelque chose d'absolument épouvantable. Ensuite, juste un petit commentaire, si on a le temps. On a beaucoup parlé de la désorganisation. C'est vrai que on n'avait pas l'impression d'avoir des cellules de crise et un quartier général de crise à proximité du camping, ça c'est certain. Mais j'ai parlé à plusieurs reprises ensuite avec des gens dont les situations de crise extrêmement graves sont le métier. Et ces personnes, notamment des gens remarquables du SAMU en France, m'ont expliqué que dans certaines circonstances, on ne peut pas compter sur les structures habituelles de secours dans des choses qui se déroulent d'une façon tellement psychologiquement lourde et que les gens qui sont censés effectuer les premiers gestes ne sont désarmés pour le faire parce qu'ils sont psychologiquement totalement paralysés et il faut que des personnes viennent de l'extérieur pour reprendre la gestion de la catastrophe en main. Ça veut dire que quand on dit désorganisation des secours, il y a des circonstances hautement atténuantes. C'est ce que vous voulez me dire. Je pense, par exemple, l'une des personnes du SAMU m'a expliqué que dans certaines villes qui sont désignées comme étant des lieux possibles de tremblements de terre majeurs, il existe des plans au niveau de la protection civile, du ministère de l'Intérieur, des services sanitaires, pour aller envoyer des équipes extérieures à ce théâtre de catastrophe pour prendre en main l'organisation et les moyens de sauvetage. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que ça veut dire que finalement les secours qui sont arrivés tard, on ne peut rien leur reprocher parce que non, la situation était hors norme. Ils sont arrivés tard. Oui, ils sont probablement arrivés tard. Ce sont malheureusement des polémiques quasiment systématiques. Les secours arrivent toujours trop tard et les catastrophes arrivent toujours trop tôt. Oui, j'ai entendu tout à l'heure que le camionneur avait sans doute commis une grave erreur en surchargeant son camion. Oui. Mais cet homme, quand il s'est aperçu, il était en train de déjeuner dans le petit village à côté du camping, et quand il s'est aperçu que son camion fuyait, il a sauté dans le camion, et parce qu'il ne voulait pas que le camion explose dans le village, il a roulé autant qu'il le pouvait pour que le camion dont il prévoyait l'explosion à ce moment-là n'explose pas dans un lieu terriblement habité. Malheureusement, il a explosé à côté de ce camping qui était surpeuplé. Voilà. On va écouter un extrait de votre reportage. De l'un de vos reportages diffusés au journal de 20h d'Antenne 2 lorsque vous avez couvert cet apocalypse, il n'y a pas d'autre nom. Toute la nuit, on l'a passé ici entre l'espérance et le désespoir. On a cherché parmi les décombres une raison d'être éveillé. On a passé de longues heures à espérer ne pas découvrir qu'il n'y avait plus d'espérance possible. On a vu des hommes, des femmes, seuls, chercher les leurs. On a vu entrer à l'hôpital de Tortosa, à quelques kilomètres de San Carlos, un homme terrassé par un infarctus. 5 minutes avant le drame, il était allé téléphoner. Il est revenu pour découvrir ses 2 enfants et sa femme, morts, brûlés vifs. Toute la nuit, on a vu grandir l'impressionnant, le glaçant alignement des cercueils dans l'allée aussi près du cimetière de Tortosa. Aux premières lueurs de l'aube, ils étaient, disait-on, 113. Auxquels devaient s'ajouter 200 blessés, dont 50 étaient considérés comme perdus. Mais toute la nuit, dans les hôpitaux de Madrid à Barcelone et de Tarragone à Valence, ceux des blessés qui ne luttaient pas contre la mort se sont battus contre une vision d'enfer. Vous évoquez donc dans ce commentaire précis le cimetière Tortosa. Vous pouvez nous raconter ce moment particulier ? Écoutez, le souvenir que j'en ai, c'est effectivement l'allée aussi près, mais pire que cela, c'est la chapelle ardente qui avait été improvisée dans ce petit hôpital et où il n'y avait pas de cercueil encore. Les cercueils n'étaient pas arrivés. Il y avait seulement des corps recouverts de draps. et des corps qui étaient tellement déformés que les draps qui les recouvraient avaient une allure absolument dramatique. On a vu que ces gens sont morts en se battant physiquement contre la mort qui arrivait, en faisant des, et ils ont été figés. Oui. Vous avez dit, je crois, Pompéi. Tout à l'heure, vous avez parlé de Pompéi. Mm-hmm. Oui, c'est exactement cela. Et ce que j'ai vu, et ce que nous avons vu avec le caméraman Patrick Derrien, avec Jean-Claude Gautron, c'est extraordinaire, parce que quand vous m'avez appelé, je me suis souvenu des noms de l'équipe il y a 40 ans avec laquelle je travaillais ce jour-là, parce que c'était quelque chose de tout à fait bouleversant. Quand on a vu tout ça, on était nous-mêmes complètement choqués. Je ne pouvais plus arriver à poser de questions aux gens. Le drame était tellement dense que quand vous vous trouviez en face de quelqu'un, vous ne pouviez quand même pas lui demander ce qu'il ressentait. C'était tellement évident qu'il ne ressentait soit rien, soit la mort. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est catastrophe que ce qu'il s'agisse de ce terrible accident de Los Alfax, avec les responsabilités, les enquêtes, les jugements qui n'en sont pas, ou les accidents d'avion, j'en ai malheureusement couvert plusieurs, ou d'autres catastrophes du même type, les navires qui font naufrage... Tout cela dépasse notre entendement, et quand on y est confronté, il n'y a rarement d'éléments qui permettent de se dire que l'ordre va revenir. Non, pendant tout un moment, on est littéralement écrasé par ce dont on est le témoin. Et vous montrez aussi, en témoignant de cela, que les journalistes sont... les humains, hein, comme les autres, que parfois, oui. La fameuse distance journalistique, on peut pas toujours respecter, puis ça n'a pas de sens. Qui a fait quoi, qui, quand, exactement. Comment, etc. Le questionnement journalistique n'a plus grand sens à ce moment-là. Bruno Albin, pardon, là je vais vous couper, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment la fin. Vous savez ce que c'est, les médias audiovisuels, le temps, l'heure, c'est l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Merci infiniment, en tout cas, Bruno Albin, pour votre témoignage et vos souvenirs. Merci, au revoir. Cette affaire sensible aujourd'hui, le drame du camping de Los Alfaques, c'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.